Premier livre des Chroniques, chapitre 13. Or David demanda conseil aux chefs de milliers, et de centaines, et à tous les conducteurs du peuple. Et il dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous l'approuvez, et que cela vienne de l'Éternel notre Dieu, envoyons partout vers nos autres frères, qui sont dans toutes les contrées d'Israël, et avec lesquels sont les sacrificateurs et les lévites, dans leurs villes et dans leurs faubourgs, afin qu'ils s'assemblent vers nous, et que nous ramenions auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne l'avons pas recherché au jour de Saül. » Et toute l'assemblée répondit qu'on le fit ainsi, car la chose avait été trouvée bonne par tout le peuple. David donc assembla tout Israël, depuis Sior, le torrent d'Égypte, jusqu'à l'entrée du pays de Hamath, pour ramener de Kirjath-Jéarim l'arche de Dieu. Et David monta avec tout Israël vers Baala à Kirjath-Jéarim, qui appartient à Juda, pour faire amener de là l'arche de Dieu l'Éternel, qui habite entre les chérubins, le nom duquel est invoqué. Et ils mirent l'arche de Dieu sur un chariot neuf, et l'emmenèrent de la maison d'Abinadab, et Uzza et Ahio conduisaient le chariot. Et David et tout Israël, jouaient en la présence de Dieu de toute leur force, des cantiques, sur des violons, des musettes, des tambours, des cymbales, et des trompettes. Et quand ils furent arrivés à l'aire de Kidon, Uzza étendit sa main pour retenir l'arche, parce que les bœufs avaient glissé. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, qui le frappa, parce qu'il avait étendu sa main contre l'arche, et il mourut en la présence de Dieu. Et David fut affligé de ce que l'Éternel avait fait une brèche en la personne d'Uzza, et on a appelé jusqu'à aujourd'hui le nom de ce lieu-là, Péré-Uzza. Et David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit, « Comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» C'est pourquoi David ne la retira point chez lui, dans la cité de David, mais il la fit détourner dans la maison d'Obed-Edom Gittien. Et l'arche de Dieu demeura 3 mois avec la famille d'Obed-Edom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom, et tout ce qui lui appartenait.